Jeudi 4 octobre, 6h du matin. Comme neige au printemps. Les baumettes dorment encore, je me suis éveillée. J'hésite un moment, ouvrir les yeux et vivre, ou bien seulement faire encore semblant de dormir un peu. En dessous, sur sa couchette, bébé le sicilien ronfle comme un vieux poêle à bois. Même le coton dans les oreilles ne suffit plus. Je ne sais pas si ça se soigne de ronfler aussi fort. Hier soir, j'ai reçu un ultime signal d'Adrien. Maintenant, je sais bien qu'il a quitté les baumettes. Le vague-mestre m'a apporté une lettre de lui, ainsi que les derniers courriers que je lui avais adressés, des courriers qui n'ont pu lui être distribués. J'ouvre sa lettre seulement à présent, c'est de toute façon bien futile. Quelques mots sans importance aucune, deux photos de lui, des photos d'une journée de vacances au bord de mer. Des photos que je lui avais remises, quand j'étais venu le voir la première fois ici, un mois après son incarcération. C'était en mai ou en juin je crois. Vraiment, dans un autre univers les choses auraient pu se passer autrement. Comme neige au printemps, c'est arrivé bien tard. Ça n'ira pas plus loin. Je ressens son départ comme le prix à payer. Sa délivrance en échange de ma captivité. Drôme-boune, Adrien. J'ai cette prison pour moi seule à présent reposer ma vieille carcasse. Et je compte y régner sans partage. Écrire d'abord. Écrire un guide pratique peut-être, ou un guide de voyage. Comment bien vieillir en prison, itinéraire d'un fou. Fou, pourquoi pas. Être fou ou le devenir, voilà une alternative plausible et raisonnable. D'autres ici s'en accommodent bien. Comment faire pour vraiment se convaincre d'être fou, faut-il seulement se le répéter? Y a-t-il des gestes à prendre? Peut-être faut-il tourner, tourner et tourner encore en bas dans la cour, jusqu'à s'en étourdir, jusqu'à tomber à genoux, pour qu'autour les tables en béton, les grillages, les murs même, les baumets tout entiers se mettent à rondoyer. Je n'ai plus ici personne à aimer, personne à espérer. Appareillons alors vers d'autres escarpements, plongeons dans leurs délices vertigineuses, au cœur des cataractes, à des gouffres sans fond. Peut-être me suffirait-il d'accepter seulement de prendre les cachetons qu'offre le psychiatre, à forte dose, je pense que ça doit bien suffire à rendre fou ces médecines-là. Vraiment fou. Devenir fou, peut-être est-ce ce qui me reste, la meilleure solution. C'est aussi une bonne façon d'apaiser le monde. Peut-être si je devenais fou, les autres aussi souffriraient moins. Devenir fou pour moins souffrir, devenir fou pour tenter d'oublier, pénétrer dans un grand labyrinthe, et ne jamais plus en sortir. Jouer à saute-mouton avec la mort, elle pourrait même pourrir et puis mourir avant moi, cette pute. J'ai tant de passages encore à franchir, tant de couloirs sans fin. Monter, descendre, descendre, monter. C'est ça. Devenir un ascenseur des baumettes peut-être. Ou bien jouer le lièvre de Mars et puis courir, courir, courir. Courir immobilement.